petits doigts, qui donnèrent à bouffer à des pigeons idiots, pour filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui désarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux, compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. À vous toutes, voici donc, on a pu débuter l'émission avec tout simplement Renaud. Le titre s'appelait tout simplement Gagnant, Mastral Gagnant. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, une très bonne matinée pour ce mardi. Et aussi, j'espère que vous allez continuer de passer un excellent après-midi. Voilà, on va continuer tout simplement avec les chansons. Et voici donc le groupe Image avec le medley. Et puis juste après, avec Fiesta, avec collectif Métissé. Laissez-nous chanter. Let's go. le temps de vous lancer. Il faut bouger, bouger, bouger. Rien ne pourra nous arrêter. Allez, allez, bouge ton corps. Allez, allez, balance encore. Yes, ce soir c'est un soir. Il faut tout donner, tout donner. Ah, soué, soué las manos. Mueve, mueve, mueve la cintura. Soué, soué las manos. Rompe, rompe, rompe la cadera. Esa fiesta la on va bouger, bouger, bouger, personne pourra t'empêcher. Allez, allez, bouge ton corps, allez, allez, balance encore. Yes, ce soir c'est un soir, il faut tout donner, tout donner. Ah, soué, soué las manos. Mueve, mueve, mueve la cintura. Soué, soué las manos. Rompe, rompe, rompe la cadera. Esta fiesta la fiesta latina, hola, hola, hola. Canta conmigo fiesta, que vamos a bailar. Esta fiesta latina, hola, hola, hola. Canta conmigo fiesta, no me duele más. Esta fiesta latina, hola, hola, hola. Canta conmigo fiesta, que vamos a bailar. Aquí nadie te ve como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá mami. spécial, un amour de la femme. Et puis juste après, on écoutera Stormo avec l'amour. If I don't open the door.

n'importe qui. Deux anneaux plus tard, dans du papier d'argent, j'ai rangé notre histoire, ce Mistral gagnant. Ce jour où je t'ai plu, m'interroge souvent, comme tu venais du sud, était-ce un accident? La fille du sud. Voici donc le titre Je ne sais pas avec Céline Dion et puis suivi de Goldman. Porter des bois, traverser des mers, je saurais faire des fées, des machines, narguer des lois, les foudres divines. Ça ne fait pas. Je sais prendre un coup de rendre si rivé des clous. Ça j'ai appris. Je suis pas victime. Je suis pas colombe pour qu'on m'habille. La vie sans toi, je sais pas. Violence partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui voulez vers votre vie, laissez-moi vivre. Perdu dans la vie, le plus beau voyage qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes. Vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous, donnez-moi ma chance. Je veux chanter. à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle donc bien Michel Sardou. Le titre s'appelle Ne pleure pas Lola. Et puis juste après, merci de Johnny Hallyday. Simplement te dire merci.

Voici donc qu'elle s'appelle Elsa Esmoult avec son titre changé, tout ça. Combien de larmes devront couler? Rappelle-moi mes

conduire à quelque part. C'est la chanson. La recette, et puis juste après lui, on écoutera Patrick Bruel avec un des titres qu'on connaît. Le titre, encore une fois. Le monde autour pourrait me quitter, tant que t'es là, je suis bien mon amour, ouais, faut pas l'oublier. Et même si dans tout le monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand je t'aime, tu doutes mon amour, moi je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse tout dans la maison, pourtant on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? Dans ma tête y'a toi et moi. La recette c'est toi et moi. On sait déjà.

réalise, mais comme il le pense, parlez-moi de personnalité, d'originalité. Je me sens brimée, à force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras. Connu que des passions, beaucoup trop sages, en menant une vie de garçon. Le titre s'appelle « J'ai perdu la tête », chasse d'amour. Me semblait drôle, je croyais ma tête à jamais plantée sur mes épaules. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai

l'œil aux aguets, ce sont tes témoins. Dans les plus sombres rues, on allait marcher, mais un jour on a su qu'ils avaient tout vu et tout entendu. Tous nos secrets sont pris par les témoins. Arc-en-ciel. Voici donc tout simplement, il s'appelle tout simplement Kenjirak avec Eva, et puis juste après le duo avec Vic François. Autrement dans tes yeux, Eva, tout mon amour en grand dans tes yeux, je vois comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant, est le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa.

de chure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse. T'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire. Jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Voici donc qui s'appelle François Feldman avec tout simplement le sel de la vie. Sur tes lèvres, je devine tout, mais je rêve encore de nous. Que tu dis les choses qui font du mal. Toute l'histoire se décompose comme c'est banal. J'étais le sel de la vie, j'en ai perdu le goût depuis. Mes souvenirs sont des fantômes. Le sel de la vie, j'en ai perdu le goût depuis. Rien ne m'inspire, je suis un môme sans son étoile. Le désert autour de moi. Comme ça, au milieu d'un champ de larmes où rien ne pousse. Quand la vie n'a plus de chat, plus de secousses, tu étais le sel de la vie. J'ai perdu le goût depuis, mes souvenirs sont des fantômes. Tu étais le sel de la vie, j'en ai perdu le goût depuis. Rien ne m'inspire, je suis un môme sans son étoile. Voilà donc bien cette musique, cette chanson de Meganis 80 qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement. Voilà donc. J'espère aussi que vous avez passé une bonne après-midi, qu'on se retrouve prochainement. Et donc je vous dis bon temps tous à vous tous. my sweet desire. You are the every moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Yes, I know that I'm so deep in love. But yeah, today I'm feeling very happy. Since you came, I knew you were the one. What I love to keep me going, baby. Close my eyes and don't let me see. even tell what's going over me. Since I saw you last night and see, now I know my life can do the punch. The better word is you. Barcelona, yeah, Barcelona, yeah. Tengo corrida la plaza de toro. Now in New York I'm singing for you. Oh, oh, oh. Tu entra la parigua, yo tengo una voz con amor. Right in London, the Big Bang is time. Oh, oh, oh. Barcelona, yeah, tengo corrida la plaza de toro. Now in New York I'm singing for you. Oh, oh, oh. São 3 horas em Portugal Continental e na Madeira.